faire. Surtout fais pas trop le fou ma gueule. Y'a le flow, motocross, kid cross ta gueule. Kid crush ta gosse, si c'est une grosse pute. On a du courant dans les couilles, quand y'a les cueils, on se barre en courant. La street nous nique, y'a pas de team unique, t'as vu. Sale cave, si tu poucaves, tu finis dans la cave. Accroche ton cavu, on part au crochet. Mets du sens dans le scavout, sur les queues, on va s'accrocher. Mais qu'est-ce que tu crois que tu peux faire? Enlève ta coquille, un grand garçon comme toi quand c'est chaud. Tu joues la petite coquine, ok, t'es choqué, oh. Prends tes jokers au cours de bastos lyrical, vont te par choquer. Passe au premier tour, tes jeux et mets un flash et du bédo. Y'a le flow qui t'amoche ta mère, hey, normal, je suis un soninké qui vient foutre sa mère. Elle aussi flip qui vient foutre sa mère. Disque d'or, c'est tout ce qu'on vise dehors. On s'évertue à faire du bise. On a que le vise comme vertu. La zik, une couverture pour toute la verdure. Importer ta dame à ce stade, c'est tout ce qu'on a. C'est pas le placard qui garde la ville en paix. Des millions de dollars à se faire, c'est ce qui nous prend la tête. Alors baisse pas les bras, on est des chiens de la casse. Pas des cabots de classe qui rentrent la queue au premier coup de crasse. Nous sommes des rappeurs de guerre, une putain de bombe nucléaire. C'est l'explosif, clic, on prend les braquages éclairs. Dans la street, Adi et Big, le binôme qui pèse le flair du commissaire. Naviguer dans le menu du portable suffit à m'énerver. Les types sont trop en mode éveil pour tranquillement les pleuver. C'est comme s'il pleuvait des bastos sans être à couvert. Pour moi c'est plus l'heure de me dire merde ça. J'aurais pu faire ça. Ramène que les problèmes d'avoir les decks au cul. Les secrets de la commère, du truc qui me préoccupe. J'arrache les doigts du shérif, la plaque à Julie Lescota. Manipuler trop de blanche amigo. Un flot tout droit sorti d'une maison de fou. En zonce tous attendent de continuer mon skill parce que les ondes souffrent. Mon avenir se charge de trouver le trésor. Comment répondre de son courage sans connaître le désordre. K47 lyrical qui veut parler à ta bande de bâtards. Car je suis pressé de manger à bas tous ces porcs chevrognards des âmes damnées. Oh, qu'est-ce ça veut pas d'empreinte sur les glocks des chevronnés. En écoutant le général.